Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des sciences, émission spéciale Grand Portrait dédiée aujourd'hui à celui que l'on désigne souvent comme l'expert international des musées de sciences. Goeri de la Côte, pour moi, c'est un homme d'action, avant tout. C'est une personne qui aime beaucoup s'impliquer dans l'opérationnel quand il y a des défis, des challenges à relever, quand il y a une difficulté. Il est toujours très présent. Il aime aller au combat, en quelque sorte, et c'est vrai qu'il a fait des grandes choses dans sa vie, il a eu beaucoup de succès, et on sent qu'il y a un petit côté sportif comme ça. Sportif, il l'est sûrement, vu l'énergie qu'il déploie pour faire avancer ce en quoi il croit. Goeri de la Côte est originaire des Vosges, baptisé du nom du fondateur d'Épinal, Saint Goeri. Profession, physicien, didacticien et vulgarisateur français, membre de l'Académie des technologies, peut-on lire sur la fiche internet. Mais si l'on fouille un peu plus loin, on trouve quelques articles de presse qui lui sont consacrés. Peu, au final, comme si cet homme ne vivait que pour son travail, sa passion, ses convictions. Et pourtant, le parcours de Goeri de la Côte a de quoi nous donner la mesure de la tâche accomplie. Lui qui a parcouru le monde au service de la transmission des savoirs scientifiques et techniques. Reconnu expert international des musées de sciences, il est le cofondateur de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris, ancien directeur de l'Exploratorium de San Francisco et le père de l'Exploradôme situé à Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne. Alors, s'il est plus connu aux États-Unis qu'en France, comme le disent certains, c'est l'occasion rêvée de le découvrir, d'entrer dans son monde, son univers, ses pensées, et à travers son parcours, de s'interroger avec lui sur la diffusion des savoirs en sciences, sur l'enseignement des matières scientifiques et sur cet apprentissage qui dure toute la vie et que l'on pourrait offrir autrement. Pour une science à portée de main, c'est le titre de cette rencontre aujourd'hui sur France Culture, dans la marge des sciences avec Goeri de la Côte, auteur du livre « Savoir apprendre, les nouvelles méthodes » paru en 1996 chez Odile Jacob, et de l'ouvrage « Pour une économie du bien commun » écrit avec Christelle Morel et paru chez Belin en 2012. Une émission émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichée par Anaïs Morales avec la complicité de Juliette Garraud et Hervé Evano, et avec des reportages réalisés par Catherine Decopé auprès de proches de notre invité, comme celui-ci par exemple. Ce qui me surprend toujours, c'est combien il est à la fois un homme qui a une réputation immense et combien en même temps il est accessible. Je le vois toujours justement lorsqu'on voyage à des congrès, etc., assailli de jeunes avec lesquels il peut passer vraiment des soirées à discuter, essentiellement autour de manip et de physique, hein, c'est quand même ce qui lui plaît le plus. Mais on sent qu'il aime en fait le contact humain. Souvent, il vient me présenter des gens en disant « Oh, il faut absolument que vous les intégriez dans le projet de l'Exploradôme, ils sont formidables. » Donc on sent qu'en fait, il aime donner leur chance aux gens qui sont passionnés, quoi. Bonjour Goeri de la Côte. Bonjour. Vous avez reconnu cette voix, j'imagine, que vous connaissez par cœur. Ah oui, Vida. Vida Konikovic. Qui est la directrice de l'Exploradôme. C'est une femme remarquable parce qu'elle sait à la fois conduire une institution, inspirer les gens qui y travaillent, trouver les moyens financiers, et moi je suis là pour un petit peu l'aider derrière, la guider parfois, mais enfin, c'est elle le leader. Et que vous avez recruté il y a combien de temps maintenant ? Ah, 7-8 ans là, déjà, hein, ça fait un bout de temps, mais par des relations. Ce genre de choses est fait de hasard. Il se trouve que là, le hasard est bien tombé. Il y avait une première directrice qui était très bien, qui s'appelle Brigitte Zana, et elle est partie au Palais de la Découverte, au moment où j'avais aussi un responsable, un conseiller scientifique en quelque sorte, Jacques Guichard. Alors j'avais conseiller Bérou de nommer Jacques Guichard à la tête du palais. Et Brigitte Zana travaillait avec Guichard. Et donc, quand Guichard est passé à la tête du palais de la Découverte, Il l'a emmenée avec elle, et il a fallu trouver quelqu'un. Et c'est là qu'on a trouvé Vida. Alors, vous l'avez entendu, hein, vous décrire un petit peu comment vous vous définissez, votre métier. Effectivement, j'adore les musées et surtout la dimension interactive de ces musées, c'est-à-dire quelque chose qui permet à des visiteurs de se frotter avec ce qu'on appelle des artefacts. Les artefacts, c'est quelque chose que vous fabriquez. C'est pas un objet que vous avez importé de quelque part, mais c'est quelque chose que vous avez conçu, construit, expérimenté jusqu'à ce que vous soyez content des réactions que les gens peuvent avoir quand ils jouent avec. Alors ça, c'est un art, et c'est un art suprême. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exploratoriums ou d'exploradomes dans le monde. C'est parce que cet art est très consommé, très sophistiqué. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui intimide le public. C'est quelque chose qui est à leur portée. C'est quelque chose, comme ils disent, hands-on, on a les mains dessus, etc. Et donc, c'est bien d'avoir quelque chose qui ne soit pas intimidant, mais qui, en même temps, tous les scientifiques vous le diront, représente de la très bonne science. Et la très bonne science, c'est la capacité de se poser des questions sur des tas de sujets en jouant avec ces artefacts. On va y revenir un peu plus loin dans l'émission, bien sûr, et détailler tout ce que vous avez pu mettre en place, justement, et tout ce qu'il faudrait réaliser encore aujourd'hui. Ah, oui. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'exploratoriums ou d'exploradomes dans le monde. Il y en a combien ? Écoutez, il doit y avoir 2000 musées scientifiques, je crois, à peu près. L'exploratorium, il y en a un qui est toujours basé à San Francisco, même s'il a changé, je l'ai fait changer d'endroit pour qu'il soit dans un endroit plus visité, parce qu'avant, il était dans un coin un petit peu reculé de San Francisco, enfin peu accessible, il y avait un bus qui s'arrêtait à deux blocs de là, et alors j'ai réussi à négocier avec le maire de San Francisco l'accès sur une jetée du port, la jetée 15, et en même temps la jetée 17 d'ailleurs pour l'avenir. Et on a réussi à relocaliser l'exploratorium sur cette jetée en agrandissant sa surface. Ça veut dire qu'il a les pieds dans l'eau. Et j'ai réussi à l'avoir, ça on regarde toujours les problèmes de business, j'ai réussi à l'avoir pour rien, enfin cette jetée, parce que j'ai mis tout l'argent que j'avais réussi à lever dans l'eau pour me consolider les pieds, parce que si jamais ça tremble, ça va s'effondrer dans l'eau. Et comme ça, ils ont accédé à l'idée que je ne paye pas de loyer pendant, je sais pas, 65 ans, etc. Donc, ils ont dans de bonnes conditions. Et pour 65 prochaines années, ils n'ont rien à payer pour l'endroit où ils sont, en dehors des commodités, quoi, l'électricité, etc. Alors, homme de passion, français et citoyen du monde, on va le découvrir avec vous, Goëri de la Côte. Mais avant d'aller plus loin, justement, quelques traits de votre caractère, deux regards portés sur vous. D'abord, celui de Vida Konikovic, et puis quelqu'un d'autre que vous connaissez dans la sphère privée, mais je n'en dis pas plus. Goëri, c'est un homme qui décide vite, qui tranche facilement. C'est extrêmement aidant pour un directeur d'avoir un président qui a une telle clarté dans ses décisions. Et en même temps, ce qui est très agréable, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un souci peut-être un peu trivial, j'hésitais à le lui présenter, puisque je me disais quand même, il a autre chose à faire. Mais il a toujours pris le temps pour aller entendre jusqu'au moindre détail la petite difficulté, décortiquer les nœuds avec moi et trouver une petite solution. Goëri, c'est quelqu'un d'à la fois un peu lunaire, un peu toujours absent, en train de penser à autre chose probablement, et en même temps, extrêmement chaleureux, très présent. Je viens de dire qu'il était absent, mais c'est pas vrai. C'est ça la complexité du personnage. Alors, ça vous fait sourire, Goëri de la Côte. Oui, lunaire. C'est la première fois que j'entends dire que je suis lunaire. C'est possible. Non, vous l'avez reconnu d'ailleurs, ce deuxième intervenant, Alex Hauss. Ah, c'est lui. Ah, c'est Alex. Votre ami d'enfance, on peut le oui, dire. Ah oui, ami d'enfance. Pas scientifique du tout, d'ailleurs. Non. Directeur des ressources humaines. C'est un cher ami, il est vraiment... Mais c'est curieux, je n'ai pas reconnu sa voix. Alors là, il m'en voudra de dire que je n'ai pas reconnu sa voix. Bon, mais... Donc vous savez maintenant qui vous traite de lunaire, c'était pour ça. Oui, voilà. Oui, j'aime ça, après tout. Pourquoi pas ? Non, c'est un type merveilleux. En fait, on s'est connus chez les scouts. Il était mon chef scout. Et moi, j'étais routier, quoi. Et moi, j'étais un gars de la patrouille, quoi. Et lui, il était chef de patrouille, voilà. Alors, on s'entendait très bien. Dans les Vosges ? Non, c'était à Mulhouse. À Mulhouse. Oui, parce que ma famille, comme sa famille d'ailleurs, travaillait dans les mines de potasse d'Alsace. On habitait Mulhouse. Et donc, le concours des circonstances a fait qu'on s'est rencontrés à Mulhouse. Et qu'on se rencontre encore, enfin, on se voit régulièrement. Donc vous êtes... Mais plus à Mulhouse. Vous êtes né dans les Vosges, hein, on peut le dire. Ah, moi, je suis né, oui. Je suis né dans les Vosges, Mon père est né dans les Vosges, mon grand-père est né dans les Vosges, dans un petit village, tous les trois. Hein, qui s'appelle Anould, ou Anou, comment, ça dépend comment on prononce, A-N-O-U-L-D, et qui est à 12 km au sud de Saint-Dié. C'est un endroit critique parce que c'est l'endroit où la route qui va vers le sud bifurque. Et la bifurcation, quand elle va vers l'est, elle va vers Colmar, et quand elle va vers l'ouest, elle va vers Gérardmer. Alors c'est magnifique, donc il faut choisir. On a aller vers l'est ou aller vers l'ouest. Et moi, j'ai une maison là aussi, qui n'est pas celle où je suis né. Là où je suis né, nos amis allemands sont passés par là. Il y a eu une époque où c'était un peu pas très facile. Parce que vous êtes né en 1939, on peut le dire. Oui, absolument. Oui, et bien c'était juste le premier mois de la drôle de guerre. Bon, la drôle de guerre, c'est une drôle de guerre. Mais après, ça a été plus dur. Hein. L'invasion, l'exode. Ah oui. L'exode que vous avez connu, enfin, enfant, oui. Peut-être sans souvenir, mais vos parents. Ah oui, non, je m'en souviens. Enfin, parce que vous êtes né en septembre 39. 39, et donc les Allemands ont dit en 44, ils auraient pu faire comme à Oradou. Hein. Ils auraient pu. Ils étaient énervés à ce moment-là, parce qu'ils étaient en train de partir en retraite. Mais par contre, à nous, ils ont demandé à tous les habitants de partir. Et ils chassaient les hommes, ils tuaient les hommes. Heureusement, moi, mon oncle, qui était avec nous, je l'appelais Tante Jeanne, il était déguisé en femme. On n'a eu personne d'abîmé dans la famille, mais c'était à moins une. Hein. C'est quand même des souvenirs encore. Finalement, c'est dans notre vie, ça, encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on y réfléchit, ça a changé. Alors, c'est oui, vrai qu'on se dit. Il y a 70 ans. Exactement. L'Europe, ça vaut quand même la peine. Ouais. Alors, votre père était polytechnicien, capitaine d'industrie? Mon père a été. Il est né à nous et il a démarré en sabots avec sa capuche et sa pèlerine. C'est exactement le modèle du mérite républicain. C'est pas du tout une famille qui avait de l'argent. Et grâce à son intelligence et son effort, son goût du travail, il a monté les échelons et il est monté jusqu'à devenir ingénieur général des mines. Ça veut dire école polytechnique, dans les premiers à l'école polytechnique, etc. Ce qui est vraiment un mérite assez remarquable. Quoi. C'est quelqu'un qui s'est fait à la force de son cerveau. Et votre mère, artiste peintre? Alors ma mère, c'est différent, oui. Elle était d'un milieu, je dirais, aisé, assez cultivé, un peu belge sur les bords. Elle aimait beaucoup peindre. Et elle peignait pas mal du tout. Hein. Et elle a commis dans sa vie de nombreux tableaux qui font toujours très plaisir à voir. Alors, on va plonger dans cette enfance, justement, avec ce témoin, votre témoin, Alex Hauss, au micro de Catherine de Copé, suivi d'une surprise, d'ailleurs, dénichée dans les fonds de l'INA. Goyri, c'est une histoire déjà très ancienne. On s'est rencontrés à 16 ans. Nous étions ensemble à Mulhouse, chez les scouts. Voilà, notre amitié date de cette époque-là. Nous avons le même âge, donc ça fait 60 ans que ça dure. Alors, c'était pas Monsieur Delacôte, c'était notre copain Goyri, crâne d'œuf. Toujours un peu perdu dans les sciences, essayant de nous intéresser à ce qui lui plaisait à lui. Je me souviens, par exemple, on était au lycée, pas dans les mêmes sections, et il était passionné par le renard cybernétique d'Albert Ducrot. Donc, moi, ça me disait rien du tout, et lui était déjà complètement dans cette histoire-là. Alors voici, la cybernétique et l'étude des robots, c'est-à-dire des machines qui sont dotées d'un organe de perception, d'un cerveau et d'organes d'action. C'est là la grande supériorité du robot sur la machine. La machine, ça n'est qu'un moteur, simplement un appareil qui agit. Au contraire, le robot, c'est un appareil complet, c'est-à-dire un appareil qui perçoit les phénomènes, qui raisonne et qui ensuite agit tout seul, sans que nous ayons à nous en occuper. Alors je me suis dit que ces animaux électroniques ne reproduisaient pas le raisonnement, qui n'en produisait en que le réflexe, puisque leur comportement est automatique. En face d'une source de lumière, ils réagissent de façon déterminée. J'ai voulu reproduire l'acte cérébral, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait doter la machine d'une espèce de mémoire. Dans l'homme, nous pouvons considérer qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une mémoire intégrative. Tous nos souvenirs ont en quelque sorte déformé notre mentalité, de manière à lui donner une espèce de forme particulière. Et lorsque nous avons un phénomène nouveau, nous venons en quelque sorte le projeter sur cette mentalité, et nous agissons en conséquence. Alors c'est ainsi que j'ai doté mon renard d'une mémoire intégrative. Autrement dit, il est doté de 5 sens, et toutes ces impressions sensorielles viennent modifier le réglage de cet appareil, le réglage des amplificateurs électroniques. Autrement dit, devant une même situation, cet appareil n'aura pas les mêmes réactions à 8 jours ou à 15 jours d'intervalle, puisque entre-temps, son réglage aura été modifié. Ah, vous l'avez retrouvé, hein, votre star de votre enfance, Albert Ducros. Ah oui, je... 14 octobre 1953, et il s'exprimait à l'occasion de la sortie de son livre « L'ère des robots » sur la radio-télévision française. Ah oui, eh bien écoutez, moi je l'ai beaucoup aimé, apprécié, écouté, enfin c'est... Pour moi, c'était une inspiration permanente, Albert Ducos. Ouais, son nom, non seulement me dit quelque chose, mais je m'en souviens avec beaucoup, beaucoup d'admiration et de reconnaissance. Alors, petit, vous étiez fasciné justement par quoi? Vous avez parlé des scouts tout à l'heure. Ils m'avaient surnommé, vous savez, on donne des totems. Alex, ou l'équipe de scouts dans laquelle j'étais, m'avait baptisé « frelon phlegmatique ». Alors, frelon, ça veut dire que je librionnais à droite et à gauche et que parfois j'essayais un peu de piquer. Et phlegmatique, ça veut dire qu'au contraire, j'ai bien aimé la sorte de contradiction entre ces deux termes, frelon, phlegmatique. Eh ben oui, je m'y reconnais à peu près. Et en même temps, ça rejoint ce que disait Alex Hauss tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois lunaire et présent. Ah oui, oui, à présent sûrement, oui. Lunaire, c'est possible, mais on ne se voit pas trop comme lunaire. Hein. C'est vrai qu'on peut être parfois dans ses pensées. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'une expérience qui vous a marqué? Ou alors peut-être de souvenirs douloureux d'ailleurs d'années collège-lycée, parce que pour pouvoir ainsi revoir la façon de transmettre les sciences par les expériences, il n'y a pas un déclencheur quelque part? On avait une psychologue dans mon labo qui avait baptisé les expériences qu'on pouvait faire, qui étaient un petit peu piquantes, elle avait baptisé ça de « pittoresque sensoriel ». Il faut être psychologue pour appeler ça comme ça. Hein. Donc ça pétait ou ça faisait du bruit, il y avait du liquide qui coulait. Enfin bon, pittoresque sensoriel. Et je crois que c'est pas si faux que ça, il faut que ça émoustille les sens. Et tous les sens, le sens de l'équilibre, le sens de la vision, de l'ouïe. Et c'est cet ensemble, cet orchestre de ces réactions sensorielles qui fait finalement l'expérience dont vous pouvez profiter. Et moi, ça m'a toujours beaucoup intrigué, étonné, intéressé. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'aime la science. C'est pas tellement le côté, je dirais, science abstraite ou science formelle ou science théorique. Je suis pas du tout un théoricien. La théorie, ça devient assez vite, par définition, assez abstrait. Mais ce qui est important, c'est de lier l'expérience, le concret, la manière dont les artefacts que l'on peut construire ou les objets qu'on peut déformer réagissent à tout ce que l'on peut tenter sur eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces réactions et d'en apprendre quelque chose. Mmh. Alors, vous faites des études à l'École normale supérieure, promotion 58, mais vous refusez de présenter l'agrégation 61. Vous aviez un esprit rebelle? Ah oui. Il y a eu un numéro de Paris Match dans lequel il y avait les quatre gars de ma promotion, dont moi. Et je me rappelle très bien parce qu'il y avait Jean-Louis Malgrange, Alain Coulombeau. Et le quatrième, c'était Goyeri. Et ils n'avaient pas fait la différence entre mon prénom, Goyeri, et mon nom de la côte. Donc ils m'avaient appelé de mon nom, Goyeri, alors que c'était mon prénom. Et alors on avait eu droit à deux, trois belles pages, les rebelles de l'agrégation. On ne voulait pas passer l'agrégation. Avec le soutien de nos professeurs, Pierre Aigrin, qui est devenu ministre de la Recherche, qui était un très grand scientifique, nous soutenait parce que l'inquiétude, c'était que si on passait à l'agrégation, à l'époque, il fallait aller dans l'enseignement du second degré. Et c'était en même temps le moment où l'enseignement supérieur commençait. Donc ils avaient besoin de gens allant dans l'enseignement supérieur. Et donc, ils voulaient garder quelques talents pour l'enseignement supérieur et ne pas tout consommer dans l'enseignement du second degré. S'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas eu les enseignants de bon niveau pour développer l'enseignement supérieur. Et certainement que votre route n'aurait pas été la même. Non. En tout cas, vous faites une thèse en physique des solides. Alors, oui. Il y a quelques années d'enseignement à l'université en Algérie, en France. On reviendra sur ce côté enseignement. Mais très vite, en tout cas, vous allez vivre quand même cette aventure de la Cité des sciences et de l'industrie avec Maurice Lévy. Je propose de l'écouter. Directeur de la Cité des sciences et de l'industrie, inauguration de la Géode à la Villette. C'était le 6 mai 1985 sur France Inter. La Géode, aujourd'hui, va montrer finalement une réalisation assez superbe. Nous montrons en plus du film L'eau et les hommes, un film en image de synthèse, L'œuf magique, ce qui fait en tout un très beau spectacle. Ça montre aussi d'ailleurs que la cité dont la Géode fait partie, c'est beaucoup plus qu'un musée. C'est un grand centre de communication qui veut sensibiliser l'ensemble de la population française à ce que sera notre avenir. Et cette cité sera terminée quand? Dans le meilleur des cas? Non, dans le meilleur et dans le pire. La cité se terminera en mars 86, c'est la date d'ouverture prévue. Nous travaillons d'arrache-pied. Le bâtiment proprement dit est maintenant très avancé. Les visiteurs de la Géode pourront le voir. Il sera terminé vers octobre-novembre et il nous faudra encore quelques mois pour intégrer, comme on dit, toutes les présentations. Goëri de la Côte, en écoutant Maurice Lévy, hein, votre compagnon de route, hein, dans cette aventure, votre mentor. Avec cette cité des sciences et de l'industrie ô combien formidable à mettre en place, et qui du coup a été ce lieu où vous avez pu réaliser vos ambitions, vos convictions avant-gardistes, on peut le dire. Pas complètement. Ça a été comme, il fallait quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on allait mettre dans ce centre des sciences. Au départ, ça s'appelait d'ailleurs le Musée National des Sciences et de l'Industrie. Et c'est devenu, petit à petit, la cité des sciences et de l'industrie. Parce que musée, ça faisait musée, national, ça faisait nationaliste, alors il ne restait plus quand même que le sujet sciences et industrie sur lequel il fallait quand même trouver une place dans le titre. D'abord, Maurice Lévy était un type extraordinaire. Lui, c'était un physicien théoricien. Lui, pas moi. Quand on a préparé donc le plan pour la cité des sciences, que Pierre Aigrin lui avait demandé, le ministre de la Recherche à l'époque, on a fait le tour du monde. Alors c'était assez extraordinaire parce que on a visité plein de musées aux États-Unis, en Europe, etc. Bon, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai effectivement trouvé mon orientation d'une certaine manière, parce que un des musées qu'on est allé visiter était celui qui s'appelle l'Exploratorium, qui s'appelle toujours l'Exploratorium, qui était situé à San Francisco et qui était dirigé par Frank Oppenheimer. C'était à quel moment ? 69. À ce moment-là, en tout cas, je vous propose, vous voulez qu'on y retourne dans ces années 70 plutôt. Moi, je peux vous proposer d'y retourner le 21 septembre 1977. Ça vous va ? Ouais. Allez, San Francisco, les après-midi de France Culture, visite de l'Exploratorium, de ce lieu magique. Ah oui. L'arbre enchanté, c'est une colonne de lumière qui s'allume au claquement de main, c'est-à-dire au bruit. On tape des mains et l'arbre s'allume. Qu'est-ce que c'est ça, Constance ? C'est une boîte. Elle regarde les enfants. Sont devant le mur. Et quand la lumière est allumée, immédiatement après, elle laisse l'image des enfants sur le mur. Shadowbox a été construit par John Anderson, Jim Dis, Austin King. Ah oui, c'est une espèce de photo instantanée. Oui. Qui prend la pose. Oui. C'est formidable. Comment c'est fait, ça ? C'est le phosphore, le plastique et une lumière qui s'appelle strobe. Oui. Et là, l'ombre s'estompe au bout de 3-4 secondes. Hein. Il ne reste pas très longtemps. Non. Ce qui est bien, c'est que ces appareils-là ne servent à rien, en plus. On ne peut pas les utiliser dans la technique ou dans l'industrie. Rien. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Mais il y a des choses ici plus scientifiques. Et une partie, c'est comme Disneyland. Oui. Une autre partie, c'est vraiment les choses scientifiques. Mais c'est très bien pour les enfants. Les enfants aiment bien. Les grands aussi. Ici. Oh oui. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. En physique, on appelle ça la phosphorescence. Ah. Hein, quand vous envoyez de la lumière sur un objet, soit la lumière est réfléchie, soit la lumière est renvoyée parce que l'objet luminesce, comme c'est un néologisme, soit alors la lumière est absorbée, dégradée à l'intérieur des molécules où elle a été absorbée, cette lumière, et crée une autre lumière, un peu plus vers le rouge, et ça on appelle ça la phosphorescence, avec une constante de temps plus longue. Eh bien, ce mur qui existe à l'Exploradôme, et qui est très populaire d'ailleurs, permet donc de montrer cette phosphorescence. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on a devant le mur, on a un flash qui annonce qu'il va arriver avec une petite sonnerie, et tout le monde saute, il prend des gestes aussi incongrus que possible, et on voit l'ombre projetée sur l'écran, et cette ombre, au début tout à fait sharp, très visible, progressivement disparaît. Donc les gosses et les adultes d'ailleurs adorent. En tout cas, tout ça vient de ce lieu, en tout cas ces idées. Donc vous disiez l'Exploratorium de San Francisco, certainement la plus belle réussite dans ces années ou 60-70 quand vous visitez lieux. Un lieu fondé en 69 hein, d'ailleurs, par le frère cadet de Robert Oppenheimer, hein, par Frank Oppenheimer. Et on rappelle que Robert Oppenheimer était le père de la bombe atomique américaine. Maurice Lévy disait, oui, Frank, le raté de la famille. vous dites quoi ? Ah non. Et ce qui était très frappant, c'est que c'était deux personnes très antinomiques. C'est-à-dire Rob Hare était un physicien théoricien très brillant. Je l'avais rencontré dans les couloirs de l'école normale supérieure. Il impressionnait tout le monde. Et il était un petit peu comme ça, borderline. Mais son frère était, je dirais, le contraire, ou je ne sais pas, l'antonyme, je ne sais pas comment on peut dire. Il était, lui, moins physicien théoricien et beaucoup plus expérimentateur. Donc, il savait monter des expériences, des artefacts, et il savait les concevoir avec beaucoup d'ingéniosité. Et c'est ça qui a permis de fabriquer un musée. Et c'est ça qui a aussi permis de faire de ce musée une maison des enseignants aussi, avec un vrai rôle pédagogique, une réflexion lancée sur le système éducatif. Ah oui, c'est sûr que c'est un endroit où non seulement on permettait au public, aux jeunes, aux moins jeunes, de venir interagir avec les artefacts, ils adoraient, mais ça c'est pas un travail scolaire, ça. Il faut ajouter à ça des leçons, une manière de présenter les choses, qui donne tout un travail pédagogique pour lequel l'exploratorium est devenu très vite un lieu de grande réputation et qui servait à l'éducation scientifique. Oui. 800 manipulations interactives, hein, je crois. Oui, il y en a 800 à peu près. Et elles sont toutes, au début, pendant un certain temps, elles n'étaient pas présentes dans l'exploratorium tel qu'il est. Maintenant, elles sont toutes revenues à l'exploratorium. On les a retravaillées entre le moment où on a délocalisé, fermé l'exploratorium et rouvert sur une jetée du port de San Francisco. Elles sont là. Elles sont magnifiques. Et on continue à en développer d'autres. Mais non seulement ça, mais nous aussi, en France, nous développons des manips interactives. Oui, parce que finalement, on se rend compte, Guéry de la Côte, que dans votre parcours, non seulement donc, vous participez à cette mise en place de la Cité des sciences et de l'industrie, hein, aux côtés de Maurice Lévy, mais que du coup, tout ça aboutit à un recrutement par les Américains, aventure rare quand même. Hein. Vous arrivez donc à San Francisco, en poste en 1991 et jusqu'en 2005. Exactement. J'avais dit que j'y resterais 2-3 ans, etc. Peut-être que j'étais un peu inquiet, j'en sais rien. Vous aviez surtout dit ne prenez jamais un Français. Ah oui, avec parfois un peu la petite insolence qui me caractérise, je dis surtout attention, ne prenez pas un Français. Ils ont dit mais si, on sait ce que tu sais faire et on a envie d'essayer. Après tout, quelqu'un qui n'a pas très bien réussi en France, on va voir comment ça marche aux États-Unis. Vous et prenez donc, comme ça. Oui, ben, pourquoi pas. Donc, je dis bon, ben, on a un double challenge, là, on va essayer. Et finalement, j'étais extrêmement content de cette expérience. La preuve, enfin, sinon, j'aurais été masochiste de rester 15 ans dans un endroit où je n'étais pas content. Alors là aussi, ça va nous permettre d'entrer un peu plus avant dans votre pensée. Pourquoi pas? On y va avec Vida Konikovic. Disons que Goeri, pour arriver à l'excellence, croit beaucoup, je pense, dans les vertus de la compétition. Voilà, de créer l'émulation, créer une effervescence pour obtenir le meilleur. Et je trouve sa pensée assez rare, parce que souvent dans le secteur du bien commun, du bien public, de l'associatif, c'est assez rarement le lieu où on pense à la compétition comme un moyen d'arriver à l'excellence. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Vida. C'est pas une compétition au sens financier ou au sens position de direction. C'est une compétition intellectuelle. Ce qu'on fait à l'Exploratorium et à l'Exploradome, et aussi dans le musée en Angleterre que j'ai développé entre-temps, on vise l'excellence. Mais on n'essaie pas d'intimider, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire des choses dont les gens vont dire « Oh là là, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop compliqué ». On essaie de faire des choses qui sont à la portée des gens. Alors, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui connaissent déjà un petit peu le secteur et qui disent « Ah, ça, c'est vraiment de la bonne science ». Et puis, il y a ceux qui ne connaissent pas bien le secteur et qui sont aussi tout à fait étonnés, emballés, qui veulent découvrir. Donc ça, c'est une belle réussite parce qu'on arrive à rejoindre des publics vraiment très différents dans leur manière d'appréhender le monde. Et alors, vous êtes aussi devenu expert en collecte de fonds. Hein, parce on regarde le résultat, quand même, à votre arrivée, l'exploratorium de San Francisco avait un gain de 6 millions de dollars par an. Ouais, hein. Ouais. Avec vous, on est passé à 24 millions de dollars et avec plus de 600 000 visiteurs par an. Voilà. Vous avez un secret? Oui, c'est très simple. Il faut y croire. Et aux États-Unis, en particulier, les gens donnent de l'argent non pas forcément sur un projet, mais ils donnent de l'argent sur une personne. Donc, les Américains m'ont apprécié, m'ont aimé, ont trouvé que j'étais quelqu'un qui valait la peine de miser dessus, comme un cheval, enfin, avec beaucoup de sympathie. Et ils ont décidé de m'aider à réussir les projets que je développais. Ils font pas de cadeaux, hein. Si on se trompe, on peut se tromper une fois ou deux fois, mais il faut pas se tromper trop souvent. Et c'est très stimulant, ça. Et puis, ce sont des équipes, hein. Il y a toute une série de gens qui... Les gens qui travaillent à Exploratorium sont des gens de toute... Il n'y a pas de job description, comme on dit. Les gens peuvent être des artistes, peuvent être des techniciens, des ingénieurs, de toutes sortes. Pourvu qu'ils aient envie de créer un petit peu quelque chose, et de créer quelque chose qui donne à ceux qui vont interagir avec le goût de l'interaction, le goût de la question. En fait, on fabrique un générateur de questions. On fabrique un espace dans lequel les gens vont apprendre à poser leurs propres questions. Est-ce que avec tout ça, justement, Goëri de la Côte, vous aviez du temps pour vos propres loisirs ? Ah ben oui, quand même, un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est prenant, je reconnais. D'abord, de temps en temps, je faisais l'aller-retour entre les États-Unis et la France. C'est ça d'ailleurs qui était un petit peu crevant, parce que vraiment, c'est loin, hein, en termes de décalage horaire, et en termes de décalage horaire, hein, et pas simplement en termes de distance. Mais là-bas, on peut faire plein de choses, hein, oui, il y a des tas de balades dans le coin, c'est merveilleux. Enfin, l'Oregon, on peut remonter jusqu'à la frontière du Canada, même plus loin. On a traversé les États-Unis en voiture d'ouest en est, plutôt que d'est en ouest. On a traversé le Canada d'abord, le Saskatchewan, etc. Et puis un peu plus au sud. C'est des découvertes étonnantes. Alors, c'est un peu Bagdad Café, hein. On est au milieu de nulle part. On peut faire des centaines de kilomètres au milieu de champs de maïs. C'est pas toujours les paysages français, mais il peut y avoir des paysages superbes. Ah oui, fou de science et fou de randonnée pédestre, hein, faut préciser, oui, justement. Oui, hein. Oui, et randonnée pédestre, oui. Et votre univers artistique, musical ? Bon, je suis un peu moins tourné vers la musique. Bon, j'aime bien la musique rock, j'aime bien la musique symphonique. Les jazz messengers. Ah, le jazz, bien sûr. Ah, oui. Vous voyez ? J'adore le jazz, oui, c'est ça, c'est sûr. Non, c'est vrai. Et vous voyez, j'avais même pas classé dans la musique, à tort d'ailleurs. Alors, on en sait un peu plus que vous, hein, finalement. Voilà, alors, oui, vous êtes bien enseigné là, oui. Non, c'est vrai, j'adore le jazz. Non, j'adore. On vous a choisi un titre des Jazz Messengers. Morning. Morning, oui, morning. C'est parti. Ça leur plaît, les Jazz Messengers, justement, ouais. Votre choix, Goëri de la Côte. C'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture, émission grand portrait de scientifiques consacrée à vous, que l'on présente comme l'expert international des musées de sciences. Goëri de la Côte, physicien, didacticien, vulgarisateur français, membre de l'Académie des technologies et passionné par la transmission des savoirs à tout public. Alors après San Francisco, il y a eu aussi le Royaume-Uni, hein, vous avez dirigé le At Bristol de 2005 à 2010. 2012, mais en même temps, d'ailleurs, en même temps, vous aviez dans l'idée quand même de lancer en France, de créer un exploradome. Eh bien, avant d'aller plus loin sur ce thème, on va écouter à nouveau Vida Konikovic. Je l'ai rencontré il y a 10 ans exactement. L'exploradome avait 6 ans et il cherchait un nouveau directeur. Alors, quand il m'a recruté, il m'a dit, bon, diriger l'exploradome, c'est tenir la maison, hein, il faut veiller que tout aille bien, etc. Mais en réalité, quand je suis arrivée, j'ai découvert 2 difficultés. D'une part, au niveau du budget, voilà, il y avait plus d'argent, on allait vers la faillite, hein, on a retroussé nos manches, et Goeri m'a aidé aussi, on a été voir énormément de personnes pour nous aider, et on a obtenu des financements. Et deuxièmement, le jardin d'acclimatation avait le projet d'installer la fondation Vuitton dans le jardin. Et donc, ils ont souhaité que nous partions très rapidement. Or, relocaliser un musée, c'est pas comme reloger une famille. Trouver un lieu, une ville d'accueil qui est un local adapté, qui a une volonté politique de créer un musée de sciences et les moyens financiers, la volonté d'investir dans la culture scientifique, c'est très rare. Et on a trouvé un formidable partenariat avec la mairie de Vitry, qui est vraiment très engagée dans l'éducation. Diriger l'Exploradome, qui est une association à but non lucratif, qui cherche sans arrêt de l'argent pour subsister, c'est quand même assez sportif. Et un jour, je disais à Goeri, mais après tout, si on avait une tutelle, ce serait peut-être plus confortable pour tout le monde. Et il m'a dit, non, c'est votre fragilité qui fait votre force. C'est parce que vous êtes petit, fragile, sans arrêt à la recherche d'un équilibre, que vous vous remettez en question et que vous innovez. Goeri de la Côte, alors. Vida a plus que raison. L'idée n'est pas d'obliger les gens à se complètement défoncer pour le plaisir, mais c'est sûr que travailler dans ces conditions-là est sportif et conduit à des réalisations assez extraordinaires. Il y a un défi, et un défi permanent. Et si on n'est plus trop dans le défi, on risque de s'endormir et de devenir peu intéressant, un peu boring, comme on dirait en anglais. Donc, il faut y aller, hein, c'est une bonne chose. Et Vida, il va très bien et elle réussit. Et bien entendu, je lui donne un coup de main parce qu'en fait, c'est un tandem, on ne fait jamais ça complètement seul. Et les gens qui pensent que ça ne peut être un individu tout seul qui peut faire ça se trompent. C'est non seulement une équipe, mais c'est un tandem. Il faut vraiment qu'il y ait une alliance entre, je dirais, un exécutif qui dirige et puis un président qui préside, mais surtout qui ouvre les portes, qui prend des contacts, enfin, et qui est en permanence à San Francisco. J'avais aussi une personne qui cherchait de l'argent. C'était fonctionnel. Il y avait plusieurs fonctions comme ça. Je voyais cette personne tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a réussi à lever plusieurs centaines de millions de dollars. Tous les jours, et il ne se passait pas un jour sans qu'on discute de tel ou tel. Et alors la manière de discuter, c'était un petit peu mafiateux, si je puis dire. On se disait, tiens, un tel, voyons, quelle est sa fortune personnelle? Combien il a donné à ce musée-là? Qu'est-ce qui lui reste? Et à ce moment-là, on faisait un plan d'attaque, et on essayait de trouver des personnes qu'il connaissait bien, ou la connaissait bien, et on récupérait ainsi, on essayait de récupérer de l'argent. Le résultat n'était pas si mauvais que ça, puisqu'au total, j'ai levé dans ces conditions-là plus de 300 millions de dollars. Mais alors, est-ce que culturellement, on peut importer ce modèle qui est très américain en France? C'est pas si facile quand même. Peut-être pas à ce niveau-là, mais l'exploradome, je dis souvent que je suis en bras de chemise et que j'ai fait l'exploradome en bras de chemise. C'est pas se vanter, mais on a quand même réussi à trouver des gens qui estimaient que l'idée était intéressante et qui ont accepté de donner de l'argent pour le projet. Parce qu'ils croient à la science, parce qu'ils croient à l'éducation scientifique, parce qu'ils croient que pour les jeunes de demain et pour le pays, c'est un investissement qui vaut la peine. Alors justement, donc ce lieu, l'Exploradome, hein, situé à Vitry-sur-Seine, installé là-bas depuis 2009, qu'est-ce qu'il a d'innovant justement? Parce que c'est un musée où on peut toucher à tout, un vrai rêve d'enfant. Hein. Là, on ne dit pas non, ne touche pas. Non, au contraire, on dit c'est obligé de toucher, il faut y aller. Alors, on touche des choses qui sont déjà anciennes, qui ont été dessinées. C'est une accumulation d'artefacts qui ont été dessinés au fil des ans. Certains viennent de San Francisco. Certains ont été créés par une équipe que j'ai mise en place et qui n'est pas d'ailleurs directement à Vitry, qui est à Cachan, et qui a les machines qu'il faut pour et les talents qu'il faut pour créer ce genre d'artefact. Donc des ingénieurs, des techniciens, des designers qui travaillent pour vous à l'ITU de Cachan et aussi en association avec justement l'association Savoir Apprendre. C'est ça, tout ça a une ombrelle administrative qui est l'association Savoir Apprendre, une organisation à but non lucratif avec une dimension accès au public qui est l'Exploradôme situé à Vitry-sur-Seine et l'accès atelier de développement qui n'est pas accessible au public, mais dans lequel on développe des manipulations qui seront présentes dans l'Exploradôme et éventuellement qui seront mises à la disposition des écoles, des collèges. Voilà, oui. Est-ce que vous vous sentez quelque part compagnon des sciences ? Parce que vous parlez souvent de compagnonnage cognitif, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est prendre par la main, c'est faire ses expériences. Il y a une dynamique, il y a une interactivité entre les savants et les novices. Et vous dites souvent, l'étonnement amène la curiosité. Et si le langage utilisé est simple, de toute façon, tout le monde peut comprendre. Finalement, votre but à vous, c'est pas tant l'importance, ce n'est pas ce que l'on va permettre d'apprendre, mais ce que l'on va induire comme mode de pensée. Tout à fait, c'est parfaitement dit. Il est important, le compagnonnage consiste à travailler avec des gens qui sont plus forts que vous, quand vous êtes compagnon, à observer comment ils font, à reproduire leurs gestes, et progressivement à s'affranchir de la copie, et à devenir soi-même autonome, capable de répéter ses gestes et d'en créer même de nouveaux. Ça, c'est la vraie formule du compagnonnage. Donc, j'ai un petit peu trouvé un terme un peu nouveau, un peu compliqué pour dire, c'est pas simplement le compagnonnage de quelqu'un qui fabrique un produit en métal, en bois, etc. Mais c'est un compagnonnage cognitif, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de pouvoir réfléchir à haute voix. On essaie de cerner leurs pensées, de cerner leur manière de résoudre un problème, de se poser des questions. Et quand on arrive à rendre ça explicite, ceux qui le voient, ceux qui arrivent à le percevoir, se mettent dans la peau de celui qui fait ça et progressivement, ils se mettent à le faire eux-mêmes. Et c'est ça le compagnonnage cognitif, sur le mode d'un compagnonnage classique. Est-ce que vous avez des défauts ? Oh oui, certainement. Un de mes défauts, j'aurais vraiment profond, c'est que j'en veux toujours trop. Et c'est ce qu'on peut appeler un défaut par boulimie, excès de boulimie. Trop dans la passion, là ? Trop dans les choses à faire, trop dans le... Peut-être que je veux me donner des excuses en disant que je suis passionné, ou que je veux arriver à quelque chose, mais de temps en temps, il ferait mieux quand même de mettre un peu la pédale douce et puis de ralentir. Mais là, il y a un défaut. Je pense pas que je sois... Tout le monde est vaniteux, je dois être un petit peu vaniteux comme tout le monde, mais c'est vraiment l'excès de... C'est la boulimie qui me caractérise. Apparemment, la directrice, Vida Konikovic, n'a pas l'air trop de s'en plaindre, parce que en même temps, ça, c'est pas un défaut. Je lui laisse une très, très grande marge de manœuvre. C'est faire confiance, première règle du management. Voilà, elle a ma confiance. Et vraiment, elle peut y aller. Et si jamais je suis un tout petit peu en désaccord, il suffit que je tousse un peu, voilà, ça s'arrange. Alors, on va aller du côté de votre copain Alex Hauss pour voir si vous avez un autre défaut. Quel défaut aurait Goëri ? Peut-être, justement, une forme d'orgueil, peut-être. Mais de l'orgueil de celui qui a assez bien réussi ce qu'il voulait faire et qui a du mal à passer la main. Il y a 5-6 ans, il m'avait invité à son anniversaire qu'il avait organisé sur un bateau, sur les canaux de Paris. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il n'a pas pu s'empêcher pendant le trajet, pendant cette balade que l'on a fait avec un bateau plein de monde, du monde des sciences, de l'enseignement, des amis de toutes sortes, sa famille. Il n'a pas pu s'empêcher de faire le professeur en nous expliquant par où on passait, ce qu'il fallait voir à gauche, ce qu'il fallait voir à droite, alors qu'on n'était évidemment pas venu pour ça. Goëri de la Côte. Oui, je suis d'accord, mais tu n'es pas venu pour ça. Mais tout de même, il vaut mieux donner quelques indications si on veut s'y retrouver. Faire découvrir. C'était le canal de l'Ourcq. Hein, c'est une jolie balade en péniche. On avait pris une péniche pour nous seuls. On était, je ne sais plus, 70-80, et le repas était servi, et on se promenait sur le pont à l'intérieur. Mais effectivement, j'avais préparé une note descriptive de tout ce que l'on voyait à droite et à gauche, qu'on n'était pas obligé de lire, mais enfin, le cas où. C'était à l'occasion de l'anniversaire de votre fils, hein. Vous avez combien d'enfants? Il y avait, oui, un de mes fils avait le même âge que moi, 30 ans de différence. Alors ça, c'est facile de se... Mais donc, il était 30 ans plus jeune que moi. Et d'après Vida Konikovic, vous aviez profité aussi de ce jour-là pour encore lever des fonds. Oui, c'est vrai. Ah oui, on se refait pas. Hein. Ah ben voilà. Alors vos enfants, les petites questions, vous les emmeniez où quand ils étaient petits, qui voulaient découvrir un lieu de science? Oh, mais j'évitais quand même. Vous n'étiez pas forcément en accord avec ce qui était présenté, C'était pas tellement ça, c'est qu'il fallait leur foutre un peu la paix quand même. Hein. Les marottes des parents, il faut qu'ils fassent leur vie eux-mêmes. Non, Et en même temps, vous avez passé votre vie à penser à ces lieux pour les enfants, justement, et les familles, hein. Oui. En même temps. Oui. Ah non, mais j'en ai visité énormément. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte de ce qui réussit ou de ce qui est mal conçu. Non, il faut s'investir, hein. Il n'y a pas de miracle. C'est un investissement fort. Et il faut mobiliser son intelligence et il faut avoir des amis dans ce secteur-là qui vous aident et qui vous obligent à réfléchir. Mais, Je les amenais pas trop dans des musées des sciences. Et je crois que il fallait quand même que je fasse gaffe parce que j'aurais créé probablement une réaction d'allergie assez forte au bout d'un certain temps. Et d'ailleurs, ils sont les trois, j'ai trois fils. L'un est dans l'informatique, l'autre est dans la finance et le troisième est dans la biologie. Donc c'est trois directions scientifiques, si je peux dire, différentes. Et je fais très très attention, ils ont choisi, mais je fais très attention à ce qu'ils ne se télescopent pas, que ce soit bien séparé, qu'il n'y ait pas de propriété commune qui soit un peu trop risquée au point de vue mélange des genres. Donc chacun a un petit peu son secteur de prédilection. En tout cas, votre côté un peu professeur hein, dont parlait Alex Hauss a toujours été là, hein, y compris quand vous étiez étudiant et très jeune, vous êtes intéressé à cette façon aussi d'enseigner et voir à la rénovation possible. Hein. Ouais. Donc je vous propose d'écouter un dernier document sonore extrait des archives de l'INA. C'est la voix du physicien André Lagarigue dans Sciences et Techniques, émission de France Culture du 27 juin 1973. C'est un fait que la rénovation de l'enseignement des mathématiques pose un problème aux physiciens et à l'enseignement de la physique, mais il est très loin d'être dramatique. Par contre, vous aviez tout à l'heure soulevé le problème, pourquoi fait-on une rénovation de l'enseignement des sciences physiques? C'est sûrement pas uniquement parce qu'on a rénové l'enseignement des mathématiques. Certes, les mathématiciens nous ont ouvert la voie. Ce qu'il y a, je crois, de très important, c'est que pour la première fois, les mathématiciens ont montré que l'on pouvait manifestement enrichir l'enseignement secondaire si l'on réunissait ensemble des enseignants du supérieur, des chercheurs du supérieur, des enseignants du secondaire, et qu'ensemble, ils réfléchissent profondément au problème. Si l'on voit alors le libellé des programmes, à part quelques petites transformation, ces programmes datent en gros du début du siècle. Donc il n'est tout de même pas anormal, surtout dans la physique, qui est une science qui a tellement évolué à ce siècle, de se poser le problème en 70-73 d'une rénovation. Mais moi, ça m'émeut beaucoup d'abord d'entendre Lagarigue, parce que c'est un grand bonhomme. Il était directeur de l'accélérateur linéaire d'Orsay. Malheureusement, sa santé n'a pas tenu. Il est mort brutalement. Il avait parfaitement compris l'idée fondamentale de la rénovation de l'enseignement des sciences et avait accepté, quand il était venu me voir pour me dire « est-ce que tu veux travailler à ce genre de choses ?», il avait accepté ma réponse qui était de dire « oui, à condition ». Et la condition, c'était de faire des expérimentations. C'était pas d'écrire des programmes, comme c'était à l'époque l'habitude, un peu à la manière des inspecteurs, c'était leur boulot, hein. Mais c'était insuffisant, c'était trop sec. Il fallait expérimenter des idées, créer des artefacts pour voir comment enseigner avec, et décider de ce que l'on gardait, de ce qu'on ne gardait pas. C'était un peu avant l'heure, la main à la pâte, hein, développée par Georges Charpak en 96, avec Pierre Lénin et Yves Guéret. Et Yves Carré, les trois mousquetaires, là. C'est tout à fait ça, oui. Et en fait, c'était inspiré de ce qu'on faisait aux États-Unis. D'ailleurs, eux aussi se sont inspirés de ce qui se faisait à Chicago avec Léon Lederman. Et moi, je me suis inspiré de ce qu'on faisait aux États-Unis aussi, à l'Exploratorium, mais sur la côte ouest. Ce sont des formules, malheureusement, qu'on n'avait pas l'habitude d'expérimenter en France. Donc vous êtes retrouvé à la fois en France, là, aux côtés de la Garrigue avec Michel Hulin, à réfléchir sur les programmes d'enseignement. Vous êtes retrouvé aussi consultant, ou consulté en tout cas par les Américains également pour réfléchir à l'enseignement. Aujourd'hui, Goëri de la Côte, quand vous voyez justement cet enseignement en France, il faut encore réfléchir à l'évolution non seulement de l'enseignement, mais peut-être des établissements scolaires. Ah, c'est sûr, oui, ça n'est jamais fini. C'est une quête sans limite, ce genre de choses. Premièrement, parce que les artefacts sur lesquels on peut travailler en sciences doivent changer, peuvent changer. Certains sont déjà très productifs en termes de sollicitation de la pensée et de l'expérience. Mais de nouveaux artefacts peuvent apparaître. De nouveaux concepts peuvent émerger des recherches scientifiques. Donc il faut renouveler ça en permanence. C'est un domaine très vivant, où il faut surtout pas s'en croûter. Ce serait la catastrophe. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Si ce n'est que les réformes ont bien du mal à passer dans un pays comme la France. Oui, les réformes ont bien du mal à passer, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut donner de la liberté aux enseignants. Il faut leur donner... Du temps aussi, non ? La liberté du temps, oui. Hum. Oui, parce qu'on bourre, on bourre, on bourre, et quand on bourre, on court après l'obstacle, et on y arrive pas, et on sature les jeunes. L'enseignement, c'est quelque chose qui doit éveiller l'intelligence, qui doit engendrer des questions, qui doit donner le goût de se poser des questions, pas nécessairement d'aller chercher la réponse. Qu'est-ce que c'est apprendre ? C'est passer d'un jeu de questions à un autre jeu de questions un peu plus sophistiqué. C'est l'art du questionnement. Et tout l'art de l'apprentissage, c'est rendre le questionnement plus subtil. Donc votre message, ce serait peut-être aussi de redonner sa noblesse au couple, apprendre et enseigner. Ah oui. Oui, parce que quand on apprend, la meilleure manière d'apprendre, je le dis souvent, c'est d'enseigner. Parce que quand on se met à enseigner, on est obligé de passer par le détail de ce que l'on veut faire passer. Et donc on ne peut pas sauter... à pieds joints sur les difficultés. Donc, pour bien apprendre, il faut enseigner. Et pour bien enseigner, il faut savoir apprendre. Allez, vous n'allez pas échapper au rituel de la marche des sciences. La question, et elle vous est posée par Alex Hauss. Salut Goëri. J'aimerais bien savoir si, dans ton parcours, dans ton expérience, il y en a que tu regrettes d'avoir faites et que tu éviterais soigneusement de refaire. Qu'est-ce que tu ferais à la place ? Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait, par exemple, et que tu sais que tu ne le feras plus jamais parce que c'est peut-être un peu tard ? Oh, tout est toujours trop tard, d'une certaine manière. Mais j'ai pas de regrets brûlants. J'ai pas quelque chose en tête où je me dis vraiment j'ai fait une connerie de faire ce genre de choses. C'est pas à ce niveau-là. J'ai peut-être été trop lent, j'ai peut-être trop tourné autour du pot parfois, non, en gros, je dis pas que je suis satisfait de moi-même, j'espère que non, mais je dis que quand on regarde ce qu'on a fait, c'est pas si mal que ça, on a pas mal avancé. Ce qu'il faut espérer, c'est que cette dynamique-là, qu'elle percole, comme on dit, qu'elle aille dans les institutions, qu'elle inspire les professeurs, qu'elle donne le goût aux jeunes, soit qu'ils viennent dans des musées, soit que avec le professeur dans les écoles, ou les lycées, enfin, dans les établissements scolaires. Par exemple, j'ai souhaité transformer certains établissements scolaires en lieu de petites expositions que les jeunes étaient amenés à faire, un petit peu comme s'ils faisaient un musée dans le lycée. C'est tout ce genre de choses qu'il faut continuer d'inventer, sinon on risque d'être figé assez rapidement dans une approche canonique. Et là, mon Dieu, le canon, c'est pas ça c'est pas ça qui fera tuer l'ignorance. Merci Guéry de la Côte d'être venu partager tout ça avec nous. Je cite les titres de vos livres, Savoir apprendre, les nouvelles méthodes que l'on peut trouver chez Odile Jacob, et puis le dernier écrit avec Christelle Morel, Pour une économie du bien commun, paru chez Belin en 2012. Je vais également conseiller le livre Idées de science, idées sur la science pour enseigner les sciences de la maternelle à la troisième, dirigé par Wayne Arlen et présenté par Pierre Léna aux éditions du Pommier, et puis à signaler bien sûr en ce moment à l'Exploradôme l'expo qui inspire l'exposition participative sur l'air, co-créée par des citoyens et des acteurs scientifiques, à voir à l'aube de la COP21. Et bien sûr, pour les auditeurs intéressés, vous retrouverez le lien sur notre site franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, et toutes les infos relatives à notre émission, bien sûr, à notre invité. Émission, je vous le rappelle, que vous pouvez écouter pendant 1000 jours ou télécharger pendant un an. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Catherine Donnet qui prépare l'émission à mes côtés. Catherine Decopé pour les reportages. Anaïs Morales et Juliette Garraud pour les archives de l'INA avec Hervé Evano. Sans oublier bien sûr Alexandra Malka à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Philippe Palares. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de l'historienne des sciences Valérie Chanzigo pour évoquer l'histoire des relations de l'homme à la nature, thème de son dernier livre, La nature à l'épreuve de l'homme, à ne pas rater. Bien sûr, d'ici là, demain, autre rendez-vous de Culture Science à 14h, vous retrouverez Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et dans un instant, à 15h, c'est Culture Musique par Mathieu Garrigou-Lagrange. Bel après-midi sur France Culture à vous tous et on retiendra ceci, redonnons sa noblesse au couple apprendre-enseigner.